Peu d'entre nous en savent beaucoup sur sa vie de collectionneur. Je pense qu'il gardait cela pour lui-même. Rose voyagea souvent aux côtés d'Henri à certaines périodes de leur vie, mais il voyageait également beaucoup seul. Ses rapports avec les marchands et les amis d'artistes étaient presque d'ordre privé. Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur quelqu'un qui était allé à une vente aux enchères avec lui. Je pense que mon père a peut-être été traîné à une vente aux enchères sans en avoir gardé un bon souvenir. Cet environnement ne l'intéressait pas. Je ne pense pas qu'il voulait être dans une salle pleine de gens en compétition pour acheter des œuvres d'art. Rose a dit que plus quelque chose était difficile à obtenir, plus il l'estimait. Il parlait surtout d'elle, mais je pense que cela peut aussi s'appliquer à l'art. Je pense que si quelque chose, une œuvre, était inestimable, il la voulait d'autant plus. Et je ne pense pas qu'il était guidé dans ses choix par la valeur commerciale. Je ne pense pas qu'il était guidé par les opinions des autres. Il avait des conseillers autour de lui. Il travaillait avec des experts. Il avait des amis aux archives américaines qui lui donnaient des conseils. Mais je pense qu'il recherchait ce qui était difficile à obtenir et dont les autres ne voulaient pas forcément. Lorsque vous regardez certaines des œuvres d'art de ses collections, l'achat dont il était le plus fier est de loin le Van Gogh. Je ne suis pas sûr que cela veuille dire que c'était sa peinture préférée dans la collection, mais le fait que c'était un Van Gogh redécouvert et qu'il était au courant de la vente avant tout le monde parce qu'il avait des contacts et qu'il ait pu l'acheter avant que les autres collectionneurs de Van Gogh ne soient même au courant, c'était sa fierté. La chasse, l'achat et le processus comptaient autant que le tableau qu'il achetait finalement.